Ce soir, je vous donne une fête. D'amour n'est point ici que rien ne nous arrête. Si mes soins ont pu vous toucher, je veux sur cette main en prendre l'assurance. Modérez-vous, c'est trop de résistance. Eh bien, je sens que je vais me fâcher.